« Mon petit cousin, alla dire Lisbeth à Venceslas, retirez-vous, je vous en prie. Vous êtes ridicule. Vous regardez Valérie de façon à la compromettre. Et son mari est d'une jalousie effrénée. N'imitez pas votre beau-père. Et retournez chez vous. Je suis sûre qu'Hortense vous attend. » « Madame Marneffe m'a dit de rester le dernier pour arranger notre petite affaire entre nous trois, » répondit Venceslas. « Non, » dit Lisbeth. « Je vais vous remettre les 10 000 francs, car son mari a les yeux sur vous. Il serait imprudent à vous de rester. Demain, à 9 heures, apportez la lettre de change. À cette heure-là, ce chinois de Marneffe est à son bureau. Valérie est tranquille. Vous lui avez donc demandé de poser pour un groupe. Entrez d'abord chez moi. » « Ah, je savais bien, » dit Lisbeth en surprenant le regard sur lequel Steinbock salua Valérie, « que vous étiez un libertin en herbe. Valérie est bien belle. « Mais tâchez de ne pas faire de chagrin à Hortense. » Rien n'irrite les gens mariés autant que de rencontrer à tout propos leur femme entre eux et un désir, fût-il passager.